pages arrachées à Simone de Beauvoir. Texte choisi par Christine Spianti, lu par Anne Alvaro. Premier épisode, Mémoire d'une jeune fille rangée, 1, paru chez Gallimard en 1958. Je suis née à 4h du matin, le 9 janvier 1908, dans une chambre aux meubles laqués de blanc qui donnait sur le boulevard Raspail. Enfant, je restais assise l'après-midi sur le balcon de la salle à manger, à la hauteur des feuillages qui ombrageaient le boulevard Raspail, et je suivais des yeux les passants. Je connaissais trop peu les mœurs des adultes pour essayer de deviner vers quel rendez-vous ils se hâtaient, mais leur visage, leur silhouette, le bruit de leur voix me captivaient. À vrai dire, je m'explique assez mal aujourd'hui ce bonheur qu'ils me donnaient. Mais quand mes parents décidèrent de s'installer dans un 5e, rue de Rennes, je me rappelle mon désespoir. Les gens qui se promènent dans la rue, je ne les verrai plus. Déjà, il m'arrivait de vouloir transgresser le cercle où j'étais confinée. Une démarche, un geste, un sourire me touchaient. J'aurais voulu courir après l'inconnu qui tournait le coin de la rue et que je ne croiserais plus jamais. Au Luxembourg, un après-midi, une grande jeune fille en tailleur vert pomme faisait sauter des enfants à la corde. Elle avait des joues roses, un rire étincelant et tendre. Le soir, je déclarai à ma sœur, « Je sais ce que c'est que l'amour. » J'avais en effet entrevu quelque chose de neuf. Mon père, ma mère, ma sœur, ceux que j'aimais, étaient miens. Je ressentais pour la première fois qu'on peut se trouver atteint au cœur de soi-même par un rayonnement venu d'ailleurs. Mon bonheur atteignait son apogée pendant les 2 mois et demi que chaque été je passais à la campagne. Pour nous rendre à Mérignac, nous roulions pendant 1 heure dans un petit train qui s'arrêtait toutes les 10 minutes. On chargeait les malles sur une charrette à âne, et nous gagnions à travers champs la propriété. Je n'imaginais pas qu'il existât sur Terre aucun endroit plus agréable à habiter. Le premier de mes bonheurs, c'était au petit matin de surprendre le réveil des prairies. Un livre à la main, je quittais la maison endormie, je poussais la barrière. Impossible de m'asseoir dans l'herbe embuée de gelée blanche, je marchais sur l'avenue, le long pré planté d'arbres choisis, que grand-père appelait le parc paysager. Je lisais à petits pas et je sentais contre ma peau la fraîcheur de l'air s'attendrir. Le mince glacis qui voilait la terre fondait doucement. Le hêtre pourpre, les cèdres bleus, les peupliers argentés brillaient d'un éclat aussi neuf qu'au premier matin du paradis. Et moi, j'étais seule à porter la beauté du monde et la gloire de Dieu, avec au creux de l'estomac un rêve de chocolat et de pain grillé. Quand les abeilles bourdonnaient, quand les volets verts s'ouvraient dans l'odeur ensoleillée des glycines, déjà je partageais avec cette journée, qui pour les autres commençait à peine, un long passé secret. Après les effusions familiales et le petit déjeuner, je m'asseyais sous le catalpa, devant une table de fer, et je faisais mes devoirs de vacances. J'aimais ces instants où, faussement occupée à une tâche facile, je m'abandonnais aux rumeurs de l'été, le frémissement des guêpes, le caquetage des pintades, l'appel angoissé des paons, le murmure des feuillages. Le parfum des phlox se mêlait aux odeurs de caramel et de chocolat qui m'arrivaient par bouffées de la cuisine. Sur mon cahier dansaient des ronds de soleil. Chaque chose et moi-même, nous avions notre place juste ici, maintenant, à jamais. En juillet, la perspective des vacances me permettait de dire au revoir sans regret au court désir. Cependant, de retour à Paris, j'attendais fiévreusement la rentrée des classes. Je m'asseyais dans le fauteuil de cuir, à côté de la bibliothèque en poirier noirci. Je faisais craquer entre mes mains les livres neufs, je respirais leur odeur, je regardais les images, les cartes, je parcourais une page d'histoire. J'aurais voulu, en un seul coup d'œil, animer tous les personnages, tous les paysages cachés dans l'ombre des feuilles noires et blanches. Autant que leur sourde présence, l'empire que j'avais sur eux me grisait. En dehors de mes études, la lecture restait la grande affaire de ma vie. Maman se fournissait à la bibliothèque Cardinal, place Saint-Sulpice. J'éprouvais une des plus grandes joies de mon enfance le jour où elle m'annonça qu'elle m'offrait un abonnement personnel. Je me plantais devant le panneau réservé aux ouvrages pour la jeunesse et où s'alignaient des centaines de volumes. « Tout cela est à moi !» me dis-je, éperdu. La réalité dépassait le plus ambitieux de mes rêves. Devant moi s'ouvrait le paradis, jusqu'alors inconnu, de l'abondance. Je rapportais à la maison un catalogue. Aidé par mes parents, je fis un choix parmi les ouvrages marqués J et je dressais des listes. Chaque semaine, j'hésitais délicieusement entre de multiples convoitises. Le jour où j'entrais en quatrième première au cours Désir, j'allais sur mes 10 ans. Le tabouret voisin du mien était occupé par une nouvelle, une petite noiraude aux cheveux coupés courts. En attendant mademoiselle et à la sortie de la classe, nous causâmes. Elle s'appelait Elisabeth Mabille. Elle avait mon âge. Zaza aimait comme moi les livres et l'étude. En outre, elle était dotée d'une quantité de talent qui me faisait défaut. Quelquefois, quand je sonnais rue de Varennes, je la trouvais occupée à confectionner des sablés, des caramels. Elle piquait sur une aiguille à tricoter des quartiers d'oranges, des dattes, des pruneaux, et les plongeait dans une casserole où cuisait un sirop à l'odeur de vinaigre chaud. Ses fruits déguisés avaient aussi bonne mine que ceux des confiseurs. Elle polycopiait elle-même à une dizaine d'exemplaires une chronique familiale qu'elle rédigeait chaque semaine à l'intention des grands-mères, oncles, tantes, absents de Paris. Zaza était ma meilleure amie. Il n'y avait rien de plus à dire. La monotonie de l'existence adulte m'avait toujours apitoyée. Quand je me rendis compte que, dans un bref délai, elle deviendrait mon lot, l'angoisse me prit. Un après-midi, j'aidais maman à faire la vaisselle. Elle lavait les assiettes, je les essuyais. Par la fenêtre, je voyais le mur de la caserne des pompiers et d'autres cuisines où des femmes frottaient des casseroles ou épluchaient des légumes. Chaque jour, le déjeuner, le dîner, chaque jour, la vaisselle. Ces heures indéfiniment recommencées et qui ne mènent nulle part, vivrais-je ainsi ? Une image se forma dans ma tête avec une netteté si désolante que je me la rappelle encore aujourd'hui. Une rangée de carrés gris s'étendait jusqu'à l'horizon, diminuée selon les lois de la perspective, mais tous identiques et plats. C'étaient les jours et les semaines et les années. « Non, » me dis-je, tout en rangeant dans le placard une pile d'assiettes, « ma vie, à moi, conduira quelque part. » Heureusement, je n'étais pas vouée à un destin de ménagère. Mon père n'était pas féministe, mais nécessité fait loi. Vous, mes petites, vous ne vous marierez pas. Vous n'avez pas de dot. Il faudra travailler. Je préférais infiniment la perspective d'un métier à celle du mariage. Elle autorisait des espoirs. Il y avait eu des gens qui avaient fait des choses. J'en ferais. Je ne prévoyais pas bien lesquelles. L'astronomie, l'archéologie, la paléontologie m'avaient réclamé tour à tour et je continuais à caresser vaguement le dessein d'écrire. Mon amour pour la campagne prit des dimensions mystiques. Dès que j'arrivais à Mérignac, les murailles s'écroulaient, l'horizon reculait. J'appris les matins ingénus et la mélancolie crépusculaire, les triomphes et les déclins, les renouveaux, les agonies. Quelque chose en moi, un jour, s'accorderait avec le parfum des chèvrefeuilles. Chaque soir, j'allais m'asseoir parmi les mêmes bruyères et je regardais les ondulations bleutées des monédières. Chaque soir, le soleil se couchait derrière la même colline. Mais les rouges, les roses, les carmins, les pourpres, les violets ne se répétaient jamais. dans les prairies immuables bourdonnait de l'aube à la nuit une vie toujours neuve. Face au ciel changeant, la fidélité se distinguait de la routine, et vieillir n'était pas nécessairement se renier. Je croyais à l'égalité abstraite des personnes humaines. À Mérignac, un été, je lus un ouvrage d'histoire qui préconisait le suffrage censitaire. Je relevai la tête, mais c'est honteux d'empêcher les pauvres de voter. Papa sourit. Une nation, c'est un ensemble de biens. Et à ceux qui les détiennent, revient naturellement le soin de les administrer. Tu connais le mot de Guizot ? Enrichissez-vous. Sa démonstration me laissa perplexe. Papa avait échoué à s'enrichir. Aurait-il jugé bon qu'on le privât de ses droits ? Si je protestais, c'est au nom du système de valeurs qu'il m'avait lui-même enseigné. Il n'estimait pas que la qualité d'un homme se mesurât à son compte en banque. Il se moquait volontiers des nouveaux riches. L'élite se définissait, selon lui, par l'intelligence, la culture, une orthographe correcte, une bonne éducation, des idées saines. Je le suivais facilement quand il objectait au suffrage universel la sottise et l'ignorance de la majorité des électeurs. Seuls les gens éclairés auraient dû avoir voix au chapitre. Je m'inclinais devant cette logique que complétait une vérité empirique. Les Lumières sont l'apanage de la bourgeoisie. Certains individus des couches inférieures réussissent des prouesses intellectuelles, mais ils conservent quelque chose de primaire, et ce sont généralement des esprits faux. Non, si les ouvriers haïssent la bourgeoisie, c'est qu'ils sont conscients de sa supériorité. Le communisme et le socialisme ne s'expliquent que par l'envie, et l'envie est un vilain sentiment. Je n'étais pas trop choquée que le mérite fût lié au hasard d'une naissance, puisque c'était la volonté de Dieu qui décidait des chances de chacun. Un soir, à Mérignac, je m'accoudai, comme tant d'autres soirs, à ma fenêtre. Une chaude odeur d'étable montait dans les glacis du ciel. Ma prière prit faiblement son essor, puis retomba. J'avais passé ma journée à manger des pommes interdites et à lire, dans un Balzac prohibé, l'étrange idylle d'un homme et d'une panthère. Avant de m'endormir, j'allais me raconter de drôles d'histoires qui me mettraient dans de drôles d'états. Ce sont des péchés, me dis-je. Impossible de tricher plus longtemps. La désobéissance soutenue et systématique, le mensonge, les rêveries impures n'étaient pas des conduites innocentes. Je plongeais mes mains dans la fraîcheur des lauriers cerises. J'écoutais le glouglou de l'eau et je compris que rien ne me ferait renoncer aux joies terrestres. « Je ne crois plus en Dieu, » me dis-je, sans grand étonnement. Je fis une autre découverte. Un après-midi, à Paris, je réalisais que j'étais condamnée à mort. Il n'y avait personne que moi dans l'appartement et je ne réfrénais pas mon désespoir. J'ai crié, j'ai griffé la moquette rouge. Et quand je me relevais, hébétée, je me demandais « Comment les autres gens font-ils ? Comment ferais-je ? » Il me semblait impossible de vivre toute ma vie, le cœur tordu par l'horreur. « Quand l'échéance s'approche, me disais-je, quand on a déjà 30 ans, 40 ans, et qu'on pense, c'est pour demain, comment le supporte-t-on ? » Plus que la mort elle-même, je redoutais cette épouvante qui bientôt serait mon lot, et pour toujours. J'avais décidé depuis longtemps de consacrer ma vie à des travaux intellectuels. Zaza me scandalisait en déclarant d'un ton provoquant « Mettre 9 enfants au monde, comme l'a fait maman, ça vaut bien autant que d'écrire des livres. » Je ne voyais rien de commun entre ces deux destins. Avoir des enfants qui à leur tour auraient des enfants... C'était rabâcher à l'infini la même ennuyeuse ritournelle. Le savant, l'artiste, l'écrivain, le penseur créaient un autre monde, lumineux et joyeux, où tout avait sa raison d'être. Étendu dans un pré, je contemplais à hauteur de mon regard le déferlement des brins d'herbe, tous identiques, chacun noyé dans la jungle minuscule qui lui cachait tous les autres. cette répétition indéfinie de l'ignorance, de l'indifférence, équivalait à la mort. Je levai les yeux vers le chêne. Il dominait le paysage et n'avait pas de semblable. Je serais pareil à lui. Un jour, comme je me trouvais seule dans le bureau, ma mère s'assit en face de moi. Elle hésita, rougit. Il y a certaines choses qu'il faut que tu saches. Je les sais, dis-je vivement. Elle n'eut pas la curiosité de s'enquérir de mes sources. Et où en es-tu du point de vue religieux ? Mon cœur se mit à battre. Eh bien, voilà quelque temps que je ne crois plus. Ma pauvre petite. Elle ferma la porte pour que ma sœur n'entendît pas la suite de notre entretien. D'une voix implorante, elle ébaucha une démonstration de l'existence de Dieu. Puis elle eut un geste d'impuissance et s'arrêta, les larmes aux yeux. Je regrettais de lui avoir fait de la peine, mais je me sentais bien soulagée. Enfin, j'allais pouvoir vivre à visage découvert. Pendant les semaines qui précédèrent le bachot, je connus des joies sans mélange. Il faisait beau et ma mère me permit d'aller étudier au Luxembourg. Je m'installais dans les jardins anglais, au bord d'une pelouse, auprès de la fontaine Médicis. Je portais encore mes cheveux dans le dos, ramassés dans une barrette. Mais ma cousine Annie, qui souvent me faisait cadeau de ses défroques, m'avait donné cet été-là une jupe blanche plissée, un corsage en cretonne bleue. Sous mon canotier, je me croyais des allures de grande jeune fille. Je lisais Faguet, Brunetière, Jules Lemaître. Je respirais l'odeur du gazon. Je me sentais aussi libre que les étudiants qui traversaient nonchalamment le jardin. Je franchissais la grille, j'allais rôder sous les arcades de l'Odéon. J'éprouvais les mêmes transports qu'à 10 ans dans les couloirs de la bibliothèque cardinale. Il y avait à l'étalage des livres reliés, dorés sur tranche, dont les pages étaient coupées. Je lisais debout, pendant 2 ou 3 heures, sans que jamais un vendeur me dérangeât. Je lus Anatole France, les Goncourt, Colette et tout ce qui me tombait sous la main. Je me disais que tant qu'il y aurait des livres, le bonheur m'était garanti. Le soir, je restais seule dans le bureau. Je me penchais à la fenêtre. Le vent m'apportait par bouffées une odeur de verdure. Au loin, des vitres brillaient. Je décrochais les lorgnettes de mon père, je les sortais de leur étui, et, comme autrefois, j'épiais les vies inconnues, peu m'importait la banalité du spectacle. J'étais, je suis toujours, sensible au charme de ce petit théâtre d'ombre. Une chambre éclairée au fond de la nuit. Mon regard errait de façade en façade. Et je me disais, émue par la tiédeur du soir, bientôt, je vivrai pour de bon. Pages arrachées à Simone de Beauvoir. Texte choisi par Christine Spianti. Premier épisode, Mémoire d'une jeune fille rangée, 1, paru chez Gallimard en 1958. Avec Anne Alvaro, Simone de Beauvoir et les voix de Émilien Tessier, Catherine Hubeau, Agathe Le Bourdonnec. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Cyril Métro. Assistante, Alexandra Malka. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.